en a fait le tour. Es-tu certain d'avoir observé chacune de ses splendeurs et de ses beautés? Cette nuit tu rêves, pareil à un rêve. Il me fit traverser les univers, voyager à travers ce cristal vert, nager dans cette immense filet de terre, un film faille dans le système solaire. Je le suivis alors dans le froid, celui de l'Antarctique puis celui de l'Alaska, traversant continents et villages pour trouver cette mystérieuse beauté sans âge. Cette nuit du rêve, pareil à un rêve. Il me fit traverser les univers, voyager à travers ce faisceau vert, nager dans cette immense tunnel de terre, un film faille dans le système solaire. Nager dans cette immense tunnel d'éther,